cours numéro 23. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Akhadna fi al-dars al-sabiq al-tasmi' wa al-tahmid. أي قول سمع الله لمن حمده وقول ربنا ولك الحمد. فمتى يقول المصلي سمع الله لمن حمده؟ حين يرفع من الركوع. ينتهي متى؟ وهو قائم. قول ربنا ولك الحمد. C'est quand qui dit ربنا ولك الحمد وهو قائم. هذا بالنسبة للإمام والمنفرد. ثم دخلنا في مسألة المأموم فماذا قلنا ما هو حاصل الخلاف في هذه المسألة ce qui résume la divergence أحسن هل يقول سمع الله لمن حمد أم لا هذا الخلاف الخلاف الآن la divergence elle tourne autour d'un même hadith ما هو تفضل صلوا كما رأيتموني أصلي. Ça c'est un des hadiths dans la mas'ala. أحسنت. إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. Les savants ils ont divergé sur ce même hadith. Un groupe des savants ou une partie des savants ils ont dit quoi? عندما تفضل. Ils sont basés sur quoi? Naam. Lakin ils ont pris quoi du hadith? Ahsan faqulu. Si l'imam dit sami Allahu liman hamida, dites Rabbana wa lakal hamd. Ça c'est le premier avis. Le deuxième avis, ma hu? Le deuxième avis, tu dis Rabbana wa lak alhamd, il n'y a aucun doute, c'est clair le hadith, faqulu Rabbana wa lak alhamd, lakin ça n'empêche pas de dire sami Allahu liman hamida. Ils sont basés sur quoi? Ahsan, sallu kama ra'aytumuni usalli. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il disait sami Allahu liman hamida. Pour le deuxième avis, c'est savant, pour eux, le fait de dire Rabbana wa lak alhamd, ça ne contre pas le fait de dire sami Allahu liman hamida. نحن لا بد أن الأقرب سيدوزيام قول والله تعالى أعلم قول الإمام الشافعي الإمام النووي محمد بن سيرين ومن المعاصرين الشيخ الإمام الألباني عليه رحمه هذا خلاصة دست مسألة كذلك ce qui renforce qu'on a oublié de dire ce qui renforce le deuxième قول أن si tu dis pas سمع الله لمن حمده tu vas te retrouver dans deux situations إما tu te relèves et tu dis rien لأن L'imam, lui, va se relever. Sami Allahu liman hamida. Toi, t'es derrière l'imam. Fa imma, tu dis rien quand tu te relèves. Dès que t'es debout, tu dis Rabbana wa lakal hamd. Hada, il faut un dalil que quand tu te relèves, tu dis rien. Al Nabi sallallahu alayhi wa sallam, sallu kama ra'aytumuni usalli. Et le Nabi, quand il se relevait, il faisait un dhikr. La deuxième situation, ou il va dire Rabbana wa lakal hamd en se relevant. Matalan, il est en recours, l'imam, il s'est relevé. L'imam, il dit Sami Allahu liman hamida. Huwa, il va dire Rabbana wa lakal hamd. Il a dit Rabbana wa lak alhamd en position quand il ou plutôt naam quand il se redresse du rukou. Hada y a pas de dalil ala hada. Al Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a montré que Rabbana wa lak alhamd c'est quand tu es debout. Lakin huwa il va dire le hadith il est clair. Idha qala al imam sami Allahu liman hamida faqulu Rabbana wa lak alhamd. Fala shak anna ceux qui choisissent le premier avis al aqrab c'est dit Rabbana wa lak alhamd en se relevant. Celui qui choisit le premier avis. Lakin le qawl fi nadar. Al aqrab. Et si tu rassembles tous les adillah, wallahu alam, tu vois que le deuxième qawl, il est plus proche. On avait lu Kalam Sheikh l'Albani, rahimahullah, il a rapporté le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tumma rfa' ra'sak hatta ta'tadil qa'ima, fa ya'khud kullu 'azmin ma'khadah ila akhirih. Quand tu es debout, tu t'es relevé, sami Allahu liman hamida, rabbana wa lakal hamd. On a vu tout ce qui est en rapport avec cette mas'ala. Al-an, toi tu es en position debout, il manque tes mains. Est-ce que tu remets tes mains sur la poitrine ou tu les laisses tendues le long du corps? C'est cette mas'ala qu'on va voir. Al mas'ala kadhalik fiha khilaf wasi' khilaf kabir bayna ahli al-'ilm. Fa ta'ifa min al-ulama, un groupe de savants, ils nous ont démontré anna al-musalli. Bien sûr, sur le salat, il n'y a aucune différence entre l'imam, tu pries tout seul, ou tu pries derrière l'imam. C'est la même chose. فَقَوْلُ مِنَ الْعُلَمَاءِ أَوْ بَعْدُ الْعُلَمَاءِ قَالُوا أَنَّهُ Il met ses mains sur la poitrine. Au début du livre, on avait vu mettre ses mains sur la poitrine en position debout. فَهَاُلَا Ils disent que c'est la même chose. Tu reviens en position debout, tu mets tes mains sur la poitrine. لِأَنَّ عِنْدَهُمْ En salat, quand tu es debout, tu as les mains sur la poitrine. Que ça soit avant, après, t'es debout, t'es debout. Ça, c'est le premier qawl. Deuxième qawl, tu laisses les bras tendus le long du corps. Le premier qawl, on revient au premier qawl. Anna, tu mets tes mains sur ta poitrine. Stadallu, ils ont pris comme argument Hadith Sahl ibn Sa'd, radiyallahu anhu. Qala kana an-nas yu'marun an yada'a ar-rajul al-yad al-yumna ala dhira'ihi al-yusra fi as-salat. Muttafaqun alayh. Aw rawah al-Bukhari plutôt. Sahl ibn Sa'd rapporte Anna Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il ordonnait à celui qui fait la salat de mettre sa main droite sur sa main gauche, sur sa poitrine. Amma fil Bukhari, il n'y a pas sur sa poitrine. Lakin dans les autres riwayas, ala sadri. Et fiha kalam, c'est ziyada. Lakin la chaque que c'est ala sadri. Al-ulama qu'on choisit cet avis, pour eux, ce hadith il est global. Al Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il ordonnait à celui qui fait salat de mettre sa main gauche, de mettre sa main droite sur sa main gauche, sur la poitrine. Al-an, le hadith, il ne différencie pas avant ou après le rukou'. Parce que ces ulama, ils ont dit, avant ou après, il n'y a aucune différence. Dès que tu es debout, tu mets ta main droite sur ta main gauche, sur la poitrine. Hada, c'est un qawl qawi. Kadhalik, ils ont argumenté avec hadith, Wa'il ibn Hujr. رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان قائما في الصلاة قبض يمينه على شماله رواه النسائي سأقسم لكم حديث ابن حجر وائل رضي الله عنه un compagnon du prophète il rapporte il a vu le prophète صلى الله عليه وسلم faire la salat il était debout la main droite sur la main gauche sur sa poitrine الآن il n'y a pas avant ou après ركوع فهؤلاء العلماء Ils ont compris de ces deux hadiths globales que tu mets ta main droite sur ta main gauche sur la poitrine, avant ou après le recours, il n'y a pas de différence. Et tu vois que le qawl, il est qawl. Tu vois que ce qawl, il est proche. Si tu veux différencier avant et après le recours, tu es obligé d'avoir un délit. Si tu veux différencier avant et après le recours, tu devras citer un délit qui montre que cette globalité, elle n'est pas pour avant et après le recours. اختار هذا القول الإمام أحمد رحمه الله في رواية كذلك الشيخ محمد بن إبراهيم الإمام ابن باز الشيخ العثيمين وكثير من أهل العلم رحم الله الجميع دوزيام قول le deuxième avis anna tes mains tu les ou tes bras tu les laisses tendus le long du corps tu remets pas tes mains sur la poitrine حجتهم في ذلك عدم تنصيص أحد من الصحابة على ذلك ce deuxième قول ils disent Anna Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas précisé. Enfin, pour eux, tu reviens à la base. Et avant la salat, tu as les bras le long du corps. Avant la salat, tu es debout, tu fais takbir, après tu mets tes mains. Pour eux, tu reviens au as. Pourquoi ? Parce que la salat, c'est une adoration. Tu es obligé d'avoir un délil. C'est ça la différence entre les deux qawl. Ils sont basés sur le hadith كذلك دواء ابن حجر le même dalil qu'on a vu أو une autre riwaya نعم لأن هذا لي في النسائي هذا لي في أبي داود نعم c'est une autre riwaya قال أي وائل صحابي رضي الله عنه قال نظرت إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام suivez bien là وائل dit j'ai observé le prophète عليه الصلاة والسلام faire la prière il s'est mis debout فاستقبل القبلة il s'est mis en direction de la قبلة قال فرفع يديه حتى حاذت أذنيه Il a levé les mains, comme on a expliqué, proche des oreilles, au niveau des épaules. ثم أخذ شماله بيمين. ثم il a mis sa main droite sur sa main gauche. فلما أراد أن يركع رفعهما. Donc on est toujours en position debout. Il a voulu faire le recours, il a levé les mains. Allahu Akbar. Il a fait le recours. Le prophète صلى الله عليه وسلم il est au recours. Là pour l'instant on est d'accord. Pour la position des mains, elle est claire. قال فلما أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك. Il s'est relevé du recours, il a relevé ses mains. Sami Allahu liman hamida, Rabbana wa lakal hamd. Al-an, on est cette position, il a levé les mains. Falamma sajada wada'a ra'sahu. Thumma, il s'est prosterné. Al-an, c'est quoi la hujja dans ce dalil? لا رفع اليدين يا الدليل الآن يسغل في ركوع على لبنما يا با الدليل لكن سي بلو بريسي احسنت الشيخ الالباني رحمه الله كثير من اهل العلم يديس كسو حديث الى بريسيزي لا صلاه جست بار جست tu mets tes mains là tu lèves tu te rapproches de tes oreilles eux ils disent pourquoi Wa'il ibn Hujr si les mains sont revenues à la poitrine il l'aurait dit la description elle est précise hatta tellement que c'est précisé il te montre tu te rapproches du lobe de tes oreilles Allah sait que si les mains seraient revenues sur la poitrine, il l'aurait dit. هذا القول il est قوي كذلك. Ce قول كذلك il est proche. تعلمون أن الصحابة ils ont décrit la salat du prophète précisément. Vous allez voir le sujoud. On a le front et le nez ils touchent, les bras ils sont écartés du corps. Les doigts ils sont en direction de la Qibla, est-ce que tu serres, est-ce que tu écartes? C'est très précis. Limada, Cheikh Al-Albani yaqul limada, toutes ces riwayat, on n'a pas de précision après le recours. Ce deuxième avis, ils ont choisi Anna les mains, tu les laisses le long du corps. Le premier avis, ils ont répondu, les sahaba, ils n'ont pas précisé, les Anna, c'est comme avant le recours. Tu reviens comme avant le recours. Si ça n'a pas précisé, reviens avant le recours. Yani les deux qawls, ils sont proches. Lakin, le plus près, Wallahu ta'ala a'lam, c'est le deuxième qawl. Les Anna, la description de Wa'il ibn Hujr, elle est précise, Allah a'lam, il aurait cité les bras sur la poitrine. Ou la main droite sur la main gauche sur la poitrine. Enfin, le deuxième avis, c'est qawl l'imam Ahmed. Il a un deuxième avis, c'est celui-là. Wa madhhab al-Shafi'iyya wa qawl min al-mu'asirin al-imam al-Albani wa al-Sheikh Muqbil rahimallahu al-jami'. Tambih, il y a une remarque à faire. Anna cette mas'ala, vous avez vu comment elle est précise et le hadith c'est le même, il se base sur les mêmes hadiths à peu près. Maintenant, si quelqu'un est khalif, toi t'as pris la vie, tu mets les mains sur la poitrine. Un autre frère, il a décidé, lui pour lui, voir que le deuxième avis est plus proche. Il laisse les bras le long de la poitrine. Tu ne peux pas lui dire pourquoi tu fais ça. Là, si tu veux le naqsh, si tu veux lui montrer ton avis avec ilm, tayyib, c'est du ilm. Amma, des fois tu trouves des frères, ils se divisent à cause de hal. Pourquoi tu veux te diviser? Pourquoi tu veux en vouloir à ton frère? Il a le qawl, il a des imams avec lui, il a des hadiths du prophète sallam avec lui. Parce que il n'y a pas d'inkar fiha. Nous, maintenant, dans la halqa, peut-être qu'on est divisé en deux dans ça. Il y a des frères, ils mettent sur la poitrine, il y a des frères, ils laissent leurs bras le long du corps. Al-amr sa, l'essentiel, c'est que tu comprennes ton avis. L'essentiel, tu comprennes ton avis et tu es sûr que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a fait. Attends, tu le suis. Un autre, il a divergé de toi dans la compréhension. Il n'y a pas un délit clair, il dit tu mets les mains sur la poitrine après le cours. Ou tu laisses les bras tendus le long du corps après le cours. Il n'y a pas de délit. Lakin, les ulama, ils ont compris de certains textes qu'il faut les faire qu'elle. Là, tu trouves dans des villes, dans des endroits, ils sont divisés à cause de ce genre de masa'il. Ça montre al-jahl, jahl al-qawm. Ça montre l'ignorance. Rawa Salih ibn Ahmed, le fils de l'imam Ahmed, il a demandé à son père. Il lui a demandé à son père, Anna dit masala, ya abi, après le recours, on met sur la poitrine ou le long du corps. Qala l'imam Ahmed, arju an yakun al-amr wasi'an. Sahih. L'imam Ahmed, il a dit, je vois que l'amr il est wasi'. L'amr il est wasi'. Tu choisis un des deux qawls qui est le plus proche. Une autre masala, est-ce que tu as le droit de rassembler les deux? Un jour, tu mets là, sur la poitrine, et le lendemain, tu laisses le long du corps. Il y a juz hada? T'as pas le droit. Mais Anna Anta, si tu laisses les bras le long du corps, t'as la conviction que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a fait. Comment le lendemain tu khalif la sunnah pour toi? Alors ceux qui pensent qu'il faut mettre les mains là, pour lui, il est sûr que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mis ses mains là. Comment le lendemain il laisse les bras le long du corps? Là, tu dois pas avoir de doute. Tu prends un qawl et pour toi c'est la sunnah. Ça veut pas dire que celui qui contredit l'a fait une bid'a. Là, lakin pour toi la sunnah c'est ça. Et un, est-ce que t'as un dali? Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait les deux. T'as pas de dali. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait un des deux. Le problème c'est lequel? Amma les deux en même temps? Tous ces savants ils sont d'accord que le prophète il a pas fait les deux. Il aurait fait les deux, il n'y aurait pas de problème. Un jour tu fais ça, un jour tu fais ça. Tu fais un, tu choisis pour toi le plus proche de la vérité. Wallahu a'lam. Qala rahimahullah as-sujud. Al-an, on passe au rukn suivant. On s'est redressé du ruku', on est debout, on a dit sami Allahu liman hamida, on a levé les mains, rabbana wa lakal hamd, on a les mains ou les bras le long du corps. Qala thumma kana sallallahu alayhi wa sallam yukabbir wa yahwi sajidan. وأمر بذلك المسيء صلاته فقال له لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يقول سمع الله لمن حمده حتى يستوي قائما ثم يقول نعم إذا دبو إدي ربنا ولك الحمد ثم يقول الله أكبر ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله حتى تطمئن مفاصله. أولا أو نكمل قال وكان أحيانا يرفع يديه إذا سجد. أولا حكم السجود c'est quoi le jugement du sujoud, est-ce que c'est obligatoire ou pas? Là chacun le sujoud il est obligatoire dans la salat, c'est un rukn, c'est un pilier parmi les piliers de la salat. قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. Se prosterner, on l'a vu au début du dars, on avait cité tous les piliers, c'est un rukn, c'est un pilier de la salat. Celui مثلا qui délaisse le sujoud, فلا شك que sa salat elle est pas valide. قال ومن السنة ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. النبي صلى الله عليه وسلم a ordonné à المسيء في صلاته de faire sujoud. Il lui a dit ثم اسجد. Ensuite fais sujoud. C'est un ordre. فلا شك que sujoud est obligatoire. Se prosterner c'est obligatoire في الصلاة. بقي السجود الثاني. On a expliqué le premier sujoud avec que c'est obligatoire. بقي le deuxième. Il y en a quand tu te prosternes, tu te relèves en position assise et tu te reprosternes une deuxième fois. Il n'y a aucune différence entre le premier sujoud et le deuxième. C'est les mêmes. Dans le hukm et dans l'afkar et dans la position, c'est la même chose. C'est pour ça que tu trouves les ulama, ils expliquent le premier sujoud, c'est tout. Le deuxième, c'est le même. Enfin, le premier il est obligatoire, le deuxième il est obligatoire. Le premier c'est un pilier, le deuxième kadhalik c'est un pilier de la salat. Baqiya, quand est-ce qu'il dit le takbir? T'es debout? Tu vas te prosterner. Quand est-ce que tu dis Allahu Akbar? On l'a vu cette mas'ala. Fi takbirat al-intiqal. C'était quoi le dhabit de takbirat al-intiqal? Une règle pour tous les takbirat. Takbirat al-intiqal. Ahsant, entre deux rukn. T'as fini ce rukn, ton takbir il va être entre la finition du premier et le début du deuxième. On l'avait vu, maintenant t'es debout. C'est un rukn, c'est un pilier de la salat, t'es debout. L'inclinaison c'est un pilier. Al-an t'as deux piliers, debout et incliné. Le takbir il va être entre les deux. Tu le dis pendant le déplacement. C'est la même chose. T'es debout, tu dis Allahu Akbar en descendant. والدليل على هذا قال ثم يكبر حين يهوي ساجدا. Il fait le takbir quand il descend pour le sujoud. تنبيه هنا une remarque مهمة أن بعض الإخوة يستعجلون quand ils font الصلاة وراء الإمام. لأن الآن أنت quand tu pries tout seul en général tu n'auras pas de problème. C'est tout seul. Derrière l'imam il y a une autre sunna. Derrière l'imam il y a une sunna à appliquer. وهي حديث عبد الله بن زيد الخطمي الأنصاري رضي الله عنه قال حدثني البراء بن عازب. البراء بن عازب le compagnon du prophète صلى الله عليه وسلم il a informé cet imam عبد الله بن زيد أو عبد الله بن يزيد قال وهو غير كذب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحني أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا. Derrière l'imam, tu ne dois pas te déplacer tant que l'imam il n'est pas en position du sujoud. L'Ibn al-Bara radiyallahu anhu, il dit personne de nous inclinait son dos aille pour descendre en position du sujoud que lorsque l'imam il était en position du sujoud. À sunna, si on attend, il dit Allahu Akbar, dès qu'il a mis son front, il s'est placé au sujoud, on le suit. Bah, tu vois, nous, on a شيء من الاستعجال في هذا. فانتبهوا لهذا. فانتبهوا. C'est une sunna, il faut qu'on l'applique. On ne descend pas en prosternation tant que l'imam n'est pas en position de sujoud. كذلك, بعض الناس, l'imam il est en sujoud, il est encore debout. Il est encore debout, il attend. Là, إنما جعل الإمام ليتمم به. Dès qu'il est en position, il descend. Enfin, le juste milieu. Ni on se précipite, ni on retarde. الحديث إلى في الصحيحين متفق عليه. قال رحمه الله الخرور إلى السجود على اليدين خر ساجدا أي يقع ساجدا. الخرور c'est le fait de descendre, c'est le fi'l, c'est l'action, fait de se prosterner. قال وكان يضع يدي على الأرض قبل ركبتيه. Comment tu vas te prosterner? Est-ce que tu vas te prosterner en t'appuyant sur les mains ou sur tes genoux? كذلك شتو مسألة الخلاف دي واسع. Ils vont argumenter avec le même hadith, لكن الآن ça va être le tafsir, le fahm. فالشيخ الألباني لسيتي قال وكان يأمر بذلك فيقول إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير. Il descend pas comme il descend البعير. البعير c'est le chameau. أن العلماء رحمهم الله اختلفوا في هذه المسألة على قولين. Un قول قالوا أن tu commences, tu t'appuies sur les mains, tu te prosternes les mains, ثم le reste. Aïe les mains avant. Le deuxième قول واضح, ça va être الركبتين. Aïe tu descends sur tes genoux et après tu te prosternes. Pourquoi الآن il va avoir خلاف? C'est quoi le مشكل? Le مشكلة c'est quoi les mains du ba'ir? Ce qu'on traduit nous par une patte. لكن بالعربية الآن il va avoir ركبة ويد في البعير. Le chameau il a une ركبة, genou et yed. Comme l'être humain, il a une main ou deux mains et deux genoux. فالآن العلماء اختلفوا. وعد العلماء ils vont dire أن يد البعير c'est كذا. Si t'as compris c'est quoi yed البعير, t'analyses comment le ba'ir descend et t'évites de faire comme lui. لكن الآن المشكلة, les savants ils ont deux قول. Ça a donné ce khilaf en deux قول. قال الشيخ الألباني وعلم dans le hashia, la note numéro 3, قال وعلم أن وجه مخالفة البعير بوضع اليدين قبل الركبتين هو أن البعير يضع أول ما يضع ركبتيه وهما في يديه. هذا قول الشيخ الألباني الصحيح. أن قال هو أن البعير يضع أول ما يضع ركبتيه كما في لسان العرب إلى آخره. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il t'a montré que tu ne fais pas comme le chameau. Enfin, vu que le chameau, quand il descend sur son genou, awalan, anta, t'évites. Anta, tu descends sur tes mains, tu ne descends pas sur tes genoux. Si on descend awalan sur le genou, on va ressembler au chameau dans sa descente. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a déconseillé hada. Al-Imam ibn al-Qayyim, rahimahullah, il a naqash la mas'ala fi zad al-ma'ad. Et huwa, rahimahullah, il n'est pas d'accord. Il dit anna la, c'est pas hakada fil lugha. Et il donne l'autre. C'est le cas inverse. Il dit là au contraire. Au contraire, le chameau, ouais, il descend sur ses mains. Anta, tu dois pas ressembler au chameau. Tu dois descendre sur tes genoux. Al-An, ils ont divergé sur la descente du chameau. Est-ce que c'est sur ses mains ou rukbatay? On peut traduire par ses genoux. هذا c'est ça le khilaf. On a vu une qaida fil usul nous l'an pour départager هذا. Hatta pour départager on aura du mal هنا. C'est quoi cette qaida qu'on a vu fil usul? Idha sajada ahadukum fala yabrak kama yabrak al ba'ir. C'est quoi cette qaida fil usul qu'on a vu? On va s'en servir l'an. Ahsant. On revient sur l'urf. Urf man. On revient à la loura. Il y en a l'urf l'an. L'urf c'est ce qui était connu. Maintenant ce qui était connu à l'époque du prophète alayhi salatu salam, c'est que la descente du chameau, on n'a pas de précision nous là. Est-ce qu'ils appelaient ça les mains ou les genoux? Allah alam. Le hadith, fala yabrak ahadakum kama yabrak al ba'id. L'an, dès que tu ne sais plus, tu as une qaïda dans l'usul. Ça va te servir dans toutes les masaïles de fiqh. Quand tu ne sais plus, tu n'as pas l'urf. Awalan, on avait dit tu commences par Al-Qur'an ou Sunna. Al-Qur'an, on n'a pas de dalil. Al-Sunna, on a ce dalil. Le dalil, il y a un khilaf. Tu ne sais pas comment le comprendre. Ou tu peux le comprendre d'une façon et d'une autre. Tu reviens au urf. Aïe, c'est quoi qui est connu عند الناس? Matalan, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est connu que la descente était sur les mains. Ou sur les genoux. Khalas. Al-An, on n'a pas ça. Il te reste la quatrième. Tu reviens à l'ourat l'arab. Dans cette mas'ala, le mouchkil, c'est que hatta fil l'ourat t'alafou. Un, dans l'ourat, t'as deux qawl. Là, chaque ulama, ils sont départagés, ou ils ont divergé. Il y en a fil l'ourat, t'as deux qawl. Un, tu reviens à ce que tu vois le plus proche. Et qawl Cheikh Al-Albani, rahimahullah, il est aqrab. Si t'as du mal, un, à comprendre, t'as un deuxième hadith qui est clair. Pour celui qui médite. Hadith Al-Bara ibn Azib radiyallahu ta'ala anhu. Tadkurun? Ahsan. Qala Al-Bara radiyallahu anhu. Kana ahaduna لا يحني ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا فنقع سجودا بعده. حديث on l'a vu hier في الصحيحين. Il est où le rapport ce hadith avec la مسألة qu'on a الآن؟ أحسنت. Le sahabi الآن رضي الله عنه il dit كان لا يحني يحني أي personne de nous pencher son dos tant que le prophète صلى الله عليه وسلم il n'était pas prosterné. Si tu réfléchis bien, tu médites bien sur ce hadith, أن الصحابة quand ils se prosternaient ils penchaient le dos. لأنه هو البراء il dit personne de nous ne penchait son dos tant que le prophète صلى الله عليه وسلم il n'était pas prosterné. Dès qu'ils se prosternaient ils penchaient leur dos et ils descendaient. Si tu penches ton dos et tu descends pour sujoud, c'est impossible que tu te prosternes sur tes genoux, ça sera les mains. Ah, si on se met debout et je me prosterne, je baisse mon dos, là chaque les mains elles vont toucher avant. Amma, si tu te prosternes sur les genoux, en général t'es droit. Ah, ça montre anna sahaba radiyallahu anhum ils penchaient leur dos, ça montre qu'ils se prosternaient sur leurs deux mains. Et ça nous fait sortir le hadith qu'on a du mal, on avait du mal à trouver l'amal de sahaba. Fala shak anna ce hadith il a plu hada. C'est mafhoum? استفدناه من شيخنا يحيى حفظه الله في بعض الدروس. Conclusion, أن la descente elle est sur les mains. Tu te prosternes, tu mets tes mains, ثم tu te prosternes. أما على الركبتين لا. والله أعلم. قال رحمه الله. وكان يقول إن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه. فإذا وضع أحدكم وجهه فليضع يديه. وإذا رفع فليرفعهما. قال وكان يعتمد على كفيه ويبسطهما ويضم أصابعهما ويوجهها قبل القبلة. السنة أولا c'est de les mettre en direction de la قبلة كما في الحديث قبل القبلة. Est-ce qu'on écarte les doigts هكذا ou on laisse ça في الحديث يضم ويضم أصابعهما. الضم c'est le fait de les joindre, de les serrer. لكن الحديث فيه كلام. الحديث فيه كلام. الحديث كي montre qu'il faut écarter les doigts, il est ضعيف. الشيخ الألباني قال رواه ابن خزيمة والبيهقي والحاكم. أما في السند يا انقطاع. في السند يا انقطاع بين هشيم وعاصم. La chaîne de transmission. هشيم il rapporte عن عاصم. هشيم il a jamais entendu de عاصم. Entre les deux, il y a une coupure. Le sanad il est daif. Ce qu'on appelle al-muqati'. Ce qu'on fait le mustalah al-muqati', ya'rifun hada. Qala al-imam Ahmad lam yasma' min 'Asim shay'a. Ça c'est un nass min imam. Il dit anna Hushaym il a jamais rien entendu de 'Asim. Fa al-hadith il est daif. Al-hadith le fait de joindre les doigts il est daif. انظر فتح العلامة المجلد الأول صفحة 763 page 763 volume 1 فتح العلامة il a cité هذا الكلام. لكن في الباب يا أثر عن ابن عمر رضي الله عنهما في مصنف ابن أبي شيبة قال إذا سجد أحدكم فليستقبل القبلة بيديه فإنهما يسجدان مع الوجه. ابن عمر il a pas cité tu serres tes mains ou tes cartes. Il a dit tu mets tes mains en direction tes doigts, non, tes mains en direction de la qibla. Est-ce qu'on serre ou on écarte? Hein? On reste à l'ourf. Il y a le hadith de serrer là, yassih. Le hadith écarté, il n'y a pas de hadith vihada. Wallahu a'lam. Fabaqiya, tu restes façon ordinaire. Tu mets tes mains normales, hakada. L'essentiel, ils sont en direction de la qibla. Tummaqal, wakan yaj'alhuma hadhu mankibay. وَأَحْيَانًا حَذُوا أُذُنَيْهِ. الآن la position des mains par rapport à ton corps. Cheikh Al-Albani il a rapporté un hadith qui montre au niveau des oreilles t'es prosterné, ta tête elle est à gada, tes mains au niveau de tes oreilles, tes oreilles elles sont là, tes mains elles sont là. Ou il y a une autre riwaya un peu plus bas au niveau des épaules, si tes épaules elles sont là, tes mains seront là. Il y a deux riwaya. أَمَّا رِوَايَةَ مَنْ كِبَيْهِ. Le hadith qui montre au niveau des épaules, كذلك, il est ضعيف. قال رواه أبو داود والترمذي والحديث il est ضعيف. في سنده, dans la chaîne de transmission, il y a un rapporteur, il s'appelle Fulayh. Fulayh ibn Sulayman, et il est ضعيف. Au niveau des épaules, la riwaya est ضعيف. Au niveau des oreilles, elle est sahiha. Kadalik, fi sahih muslim, hadith Wa'il ibn Hujr, vous vous rappelez le sahabi qui a décrit la position des mains, on avait pris comme argument ce hadith pour montrer que les mains c'est le long du corps, vous vous rappelez hadith Wa'il, il a décrit huwa, qala falamma sajada, wada wajahu bayna kaffayhi. Ça montre que c'est au niveau des oreilles. C'est à ça qu'au niveau des épaules. Si les deux seraient sahih, on aurait dit de temps en temps au niveau des épaules, de temps en temps au niveau des oreilles. Lakin alladhi yadhhar al-an au niveau des épaules, c'est daif. Et au niveau des oreilles, le hadith, il est fait sahih muslim. À chaque qui passe avant, le hadith daif. Qala falamma sajada wada'a wajhu bayna kaffayhi. Wa'il ibn Hujr, il rapporte anna le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il se prosternait, il mettait ses deux kaffes à la paume de ses mains. Et la tête, elle était entre. Sa tête, elle était entre. Voilà, chaque c'est au niveau des oreilles. Si ta tête, elle est entre tes deux mains, ça va être au niveau de tes oreilles. وَجْهَهُ بَيْنَا كَفَّيْهِ وَعِنْدَ النَّسَائِ Le hadith qu'il a rapporté sur l'Albani. Dans une autre riwaya, elle est sahiha, قَرِيبَتَانْ مِنْ أُذُنَيْهِ Ah, les mains sont proches des oreilles, au niveau des oreilles. Hada, c'est asah que au niveau des épaules. Et en haqiqa, c'est proche. Haqiqa, c'est proche, lakin, at-tahari, au niveau des oreilles, et le fait de les rapprocher au niveau des oreilles, yani, c'est akrab. Hadith, il est sahih muslim. Rajoutez-vous, Cheikh Al-Albani, il n'a pas cité, hadith, wa il ibn Hujr, fi sahih muslim. Qala, rahimahullah, wa kana yumakkin. أنفه وجبهته من الأرض وقال للمسي صلاته إذا سجدت فمكن لسجودك وفي رواية إذا أنت سجدت فأمكنت وجهك ويديك حتى يطمئن كل عظم منك إلى موضعه وكان يقول لا صلاة لمن لم يصب أو لمن لا يصيب أنفه من الأرض ما يصيب الجبين. Tous ces hadiths, ils montrent l'importance, la position des membres pendant ce jour. Al-Asl fi hada, c'est hadith Ibn Abbas, fi sahihay, anna Nabi sallallahu alayhi wa sallam, amarahum, que sept membres, ils soient en contact du sol fi ce jour. Les deux mains, les deux genoux et les deux pieds. Tout ça, ça doit être en contact du sol. Ça fait six membres. Les deux mains, les deux genoux, les deux pieds. Toi, t'es prosterné là. Al-Jabha, aïe le front, avec le nez. Ça c'est considéré comme un. Ça fait sept membres. Ça c'est wajib fi salat. Tu trouves khata ba'd al-nas, son nez il touche pas le sol. Ça c'est un khata. Kadalik ba'd al-nas, matalan, vous avez remarqué, il fait sujoud, et pendant ce sujoud, ses pieds, matalan, ahyanan, il a un pied, huna. Ou ahyanan, tu sais pas pourquoi, un de ses pieds il est levé. Hada ma yanbaghi. Idha ta'ammad, c'est grave. Amma, certains gens ne font pas exprès, ils ont de la rafla. Et dans la personne fait attention, makin, comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, makin les sujoudik. Chaque membre il a sa place. Et les sept membres qu'on a cités sont en contact du sol. T'as pas levé ton pied. Baqiya mas'alat, le nez. Le nez, bah, les ulama, ils ont dit c'est pas wajib. Il y en a le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a pas cité. Al-yadayn, al-rukbatayn, al-qadamayn. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit al-jabha. Al-jabha, c'est le front. لكن dans le hadith wa ashara ila anfih. Dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit le front au contact du sol et il a montré son nez. Subhanak Allahumma hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Demain on continuera à ça.